Et j'y garde le sourire. Le monde s'écroule, des fois ça empire. Calé au fin fond de nos bras, tout peut continuer comme ça. Raconte-moi de ton accent brûlant que je suis encore un enfant, qu'on peut entendre s'approcher. La mer vient pour nous emporter. Virgile, tu sais qu'on ne s'aime pas, qu'il n'y a pas de Camille au Groenland. Mais j'adore quand tu trouves l'équilibre. Virgile, garde le sourire. Toi seule sais calmer les douleurs dans des champs à fleurir. On est prêt à enterrer nos cœurs. Raconte-moi de ton accent brûlant qu'on peut se dévorer un instant, finir la nuit tendrement avant que reviennent les tourments. Virgile, tu sais qu'on ne s'aime pas, qu'on ne roulera pas sur la dune du Pilat. Mais j'adore quand tu trouves l'équilibre. Virginie, appelle-moi quand ça va pas. Virginie, tu es là pour moi. Virginie, serre-moi dans tes bras. Virginie, le monde tombe ici bas. Virgile, garde le sourire. Le monde s'écroule, des fois ça empire. Calé au fin fond de nos bras, tout va continuer comme ça. Raconte-moi de ton accent brûlant tous ces hommes, tous ces amants. Ce qui reste, ce d'un instant, on peut tout se dire vraiment. Virgile, tu sais qu'on ne s'aime pas, qu'on ne déambulera pas dans les rues de Venise.